On va parler avec Roger Brulotte pour une première fois en entrevue Zoom. Salut Roger! Hey, salut Danny, ça va bien? Hey, ça va bien Roger, une belle calotte des expos un matin, wow! Ben, c'est série mondiale, les Braves sont là, un Montréalais qui dirige ça, pourquoi pas? Ben, moi je suis un fan des Braves, après Blue Jays, c'est Braves, mon équipe justement à cause d'Alex Antopoulos. Puis cette semaine, tu m'as fait plaisir en nommant directeur gérant de l'année, je trouve ça extraordinaire parce que quelque part... Moi, je suis un grand fan d'Alex parce que depuis 2015, quand il avait été chercher tous les joueurs, les Tuttle Whiskey et ainsi de suite, David Price, puis c'est un gars que j'ai eu en entrevue trois fois, puis il est gentil, pour là, tu ne te prends pas pour un autre. Ça. Écoute, bien, c'est un Montréalais qui nie pas ses origines, il fait ça d'une façon incroyable, et je le regarde d'aller, il dirige son équipe, et pour ça que je prends pour les Braves, le gars de Montréal qui est là, c'est lui qui me donne le goût d'être là. Et pourquoi j'ai choisi comme directeur gérant de l'année, Danny? Il a géré, il n'a pas échangé ses joueurs vedettes pour des suspects. Mm. Il a fait des échanges pour gagner. C'est ça qui est la grande différence. Et rappelle-toi, moi, à la fin du mois de juillet, les Braves, il y avait Ronald Acuna qui était sur la liste des blessés. Tu avais Marcel Osuna qui avait eu des accusations graves. Il n'y avait plus de Volchak. Puis il est allé chercher Rosario, le joueur que tout le monde parle, qui était le joueur par excellence. Il est allé chercher Jock Peterson également. Puis il n'a rien donné. Il n'a pas donné ses gros prospects. Il ne faut pas t'oublier Duval. Duval, oui. Solaire. C'est quatre voltigeurs qui sont allés chercher trois réguliers. Puis un comme frappeur suppléant dans une série avec les deux coups de circuit. Le premier de se rendre en série mondiale. Oui. Hey, Roger, rappelle-toi en 2015, quand on regarde tout ce qu'il a donné pour les Blue Jays, il n'y a pas grand prospect. C'était Syndergaard qui était bon là, dans la chambre. Il est blessé. Oui. Il est blessé. T'sais, alors, quand tu échanges, pour ça, je les appelle des suspects, Danny. Mm. Quand tu vas chercher un gars des ligues mineures, le gars, il est bon, mais jusqu'à quel point il va être bon des majeurs, on ne le sait pas. Ouais. C'est arrivé dans le cas, justement, des joueurs que les Mets sont allés chercher. C'est sûr que tu regardes ça, tu as des Jeff Bagwell, tu as des John Schmoltz, mais ça. T'en as un autre qui s'appelle, il joue à la Ricourt, le fils Tatis. Il avait 16 ans dans le temps. Oui. Puis, t'as aussi t'as Randy Johnson, mais ça, c'est une autre histoire. Randy Johnson, c'était un échange pour gagner un championnat. Ouais. Et ton gars, tu ne l'as pas gardé. Ouais. Si tu avais gardé Langston, tu aurais été capable, mais ça n'a pas marché. Ouais. Roger, en arrière, c'est quoi? Avant de parler de Chris Beach et du baseball à Télésport, en arrière, c'est quoi? Là? On voit un numéro 7 en arrière. Là. Ça, c'est une peinture de Roger qui m'ont donné la Fraternité des policiers de Montréal, parce que j'étais longtemps, mais encore président de leurs activités de. OK. Les fins volards, on ramasse 100 000 $ par année. Puis ils m'ont donné cette toile-là que je portais l'uniforme des expos dans le temps, que je faisais des cliniques de baseball. OK. Et toutes les choses en arrière, c'est des affaires de Céline, tu me dis. Des affaires de Céline, des reportages que j'ai faits sur Céline. Je regarde, je suis pas Danny, un amateur de souvenirs, mais ceux-là, je les ai gardés. OK. Roger, on va parler d'une belle nouvelle aussi à TVA Sport. Vous avez obtenu les matchs, 78 matchs du baseball majeur. C'est une belle entente. Question, est-ce que les Blue Jays, c'est une autre entente, ça, hein? Baseball, les Blue Jays? Oui, c'est deux ententes différentes. OK. Qu'est-ce qui va arriver avec les Blue Jays? Vous continuez pareil? Mais là, ils sont en train de négocier avec les Blue Jays. Mais quand tu parles de celui qu'on vient de finaliser, les 78 matchs, c'est que les chiffres impairs, on va faire le match des étoiles, le concours de coup de circuit, les séries mondiales. C'est formidable pour les abonnés de TVA Sport. Ben oui, effectivement. Chris Beach, il se passe, ta réaction là-dessus? La réaction, c'est que la Ligue nationale doit prendre les procédures légales qu'ils doivent faire. Ils sont en train de le faire. Alors, il faut respecter ce que la Ligue nationale est en train de faire. Mais est-ce que mais c'est vraiment quelque chose de gros, là, pareil? Tu sais, Joel Quenneville qui le savait et ainsi de suite. À quelque part, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ça a pris 11 ans avant de se lever. Mais je pense que quand tu regardes ça au complet, je pense que c'est une affaire civile. C'est une affaire que la Ligue a bougé. Et la Ligue a bougé d'une bonne façon. Il faut les suivre de même et suivre ce que M. Bettman veut faire. OK. Canadien ce soir contre les Kings. C'est Jake Allen a été fumant. Tu sais, ça, à quelque part, un gardien de but doit. C'est un peu comme un lanceur au baseball. C'est ce que Jake Allen a fait. Jake Allen, je pense, pour la première fois qu'il porte l'uniforme du Canadien, a remporté un match à lui seul. Ouais. Ils ont marqué 4 buts, mais il a fait 45 arrêts. C'est ça. Alors, les 4 buts, ont donné dans un filet désert. Mais moi, c'est la première bonne performance de voir Allen depuis qu'il porte l'uniforme du Canadien, puis il a été honnêtement incroyable. Je regarde les Kings, c'est inquiétant. Les Kings, seulement une victoire depuis le début de la saison, puis ils ne vont pas bien. Ouais. C'est intéressant de voir ce soir. Je pense que les Kings vont être motivés plus que d'habitude ce soir à cause de Dano face aux Canadiens. Ils vont sûrement mettre de l'argent dans le pot, hein? Ah, mais ça, ils mettent de l'argent dans le pot, mais ils ont assez d'argent de n'en mettre. Effectivement. Roger, ça j'aimerais bien mieux, tu sais, oui. Ils mettent de l'argent dans le pot pour faire un party. Effectivement. J'aurais bien mieux mettre de l'argent dans le pot pour mettre ça au hockey mineur de leur région. Oui, oui, oui. Là, ça serait plus apprécié. Effectivement. Et pour faire un party, là, sur le gratte. Oui. Roger, on s'en reparle la semaine prochaine. Au plaisir. Notre ami Roger Bullitt qui nous parlait de l'actualité dans le monde du sport. Merci, Roger. Bye bye. Merci.